Ce panneau annonce une route à sens unique. Réponse A. Un virage dangereux. Réponse B. Une chaussée glissante. Réponse C. Un rétrécissement de la chaussée. Réponse D.